626. Observation. Interrogation. Est-ce que... Déclaration. Mireille est blonde. Interrogation. Est-ce que Mireille est blonde? Déclaration. Elle est blonde. Interrogation. Est-ce qu'elle est blonde? On peut transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative en ajoutant « est-ce que » ou « est-ce que » devant un son de voyelle, devant la phrase déclarative, et en faisant monter le ton de la voix à la fin de la phrase. Est-ce que Mireille est blonde ?